d'avancer. Ce ne fut qu'insulte et brimade pour briser notre volonté. Le peuple est en colère, il gronde et avance vers nous, pieds de nez. Et sur les routes du Paris tombe jusqu'aux arbres de la liberté. Seul il va falloir se battre et leur montrer qui va commander. Respecter l'ordre de ses actes, ils doivent et ne peuvent gagner. La République en sera fière et l'on se souviendra de nous. Qu'importe leur cri et leur prière, quand les incelles nous restera debout. Et c'est dans les livres d'histoire que les hommes inscriront ces mots. Qu'ils resteront dans nos mémoires, liberté.